on s'en bat les couilles nous. C'est on s'en tape des gourous, squat en bas des tours. Génération fils à papa, qui arrête les études, qui commence mais ne finira pas pété dessus. Génération diplômée mais dégoûtée, déroutée, consciente que le mot esclave est différent de salarié. Donc génération qui fume la caf dans ses spliffs. Génération déglinguée, je passe le respect aux sportifs. Génération bruyante, concert, free party, vit la nuit, prépare son cancer petit à petit. Génération parle, jeune et jolie, pleine de tabous. Génération string tie, passe sexe partout, partout. Sans consentement, génération féminine qui n'assume pas ses vêtements. Génération masculine, débile, la bite en avant, violence, tuning, UMP, accident. Génération réac, plus coincé qu'avant mai 68. Habitué des faux débats sans suite. Génération, génération, et les plus petits ont pris Skyrock, le démago comme fédération. Génération sans retraite, il paraît, tu m'étonnes que les mecs rêvent tous de devenir le parrain. Génération susceptible, qui a pris la voiture de son frère comme cible. Génération d'enfants terribles. Génération d'enfants terribles. Génération d'enfants terribles. Génération d'enfants terribles. Et je pense à vous et à moi quand j'enfante mes rimes. Génération d'enfants terribles. Génération d'enfants terribles. Génération d'enfants terribles. Génération en vodka et mélange, remue ménage dans les ménages à chaque veille de dimanche. Génération qui vomit et s'en vante, et qui fait donc honneur aux traditions ancestrales de la France. Génération contrebande, les petits ont tout compris sur l'offre et la demande. Ce que tu veux, ils te le donnent. Génération capote et iPod, un Walkman à 3000 balles, sinon t'as pas de potes. Génération sans état d'âme, télécharge ce qu'ils aiment, as du piratage. Génération communauté, génération communauté. Donc, génération danger. Génération Air Max, ça fait mal de voir les thunes que tu mets dans tes baskets, man. Génération qui n'a rien demandé, qui doit payer pour des ancêtres que seuls les frappes n'ont pas renié en parallèle. Génération couille molle, kiffe Dio et Star depuis qu'il passe chez Andémol. Génération qui flippe pour rien, qui suce Bruno Goldnisch, lui apporte son soutien. Génération qui te parle d'insécurité, qui n'aime pas le rap français, trop agressif, lui préfère Dr. Dre. Génération clivage et tribu. Génération qui craque et qui pue. Génération bien pensante, fils de nouveau riche, cerveau en friche. Baba à la boîte, donc je m'en fiche. Génération qui s'en tape de l'avenir, qui connaît le mot plaisir, mais ignore le mot construire. Génération divisée, alors qu'elle devrait s'unir. Génération qui me donne de l'espoir quand je vois les gens souffrir. Génération, non, non, non, rien qu'une minorité. La majorité a toujours fait paix. Génération d'enfants terribles. Génération d'enfants terribles. Génération d'enfants terribles. Génération d'enfants terribles. Génération d'enfants terribles. Génération d'enfants terribles. Génération d'enfants terribles. Génération d'enfants terribles. C'est la mienne, c'est la tienne. C'est la mienne, c'est la tienne. 911.